On s'est perdu, comme nos salaires dans des habits de luxe. On a même plus une pièce pour ceux qui crèchent sous un abribus égoïste. Par habitude de faux rides dans l'attitude des lobbies terrorisent plus que ceux qu'ils accusent. Ils touchent des gosses par maladresse. Y'a même des mères qui déposent les leurs à Marrakech. Votre écran vous mitonne un peu comme Bill Gates. Plus rien ne m'étonne, ce monde me donne des migraines. Tout le monde s'en cogne, chacun défend son beef. Dès que ça parle de business, de petites fesses, de bitcoins. La richesse est dans nos cœurs, l'amour dans nos âmes, leur force réside dans nos peurs. Je résiste aux dérives, aiguise mes rimes, méprise les flics, dénigre les sbires du système. À la merci des marionnettistes, on vit sous perfusion, sous l'emprise de narcoleptiques. À la recherche d'une bouffée d'air pur, on s'est perdu, et ça perdure, le vice remplace la vertu. Tant d'amertume, on souille la terre mère, cultive le bitume, un asile à ciel ouvert. On s'est perdu, et ça perdure. On s'est perdu, et ça perdure. On s'est perdu entre propagande et fake news, indifférence, une richesse. Au final, on se déteste tous perdus. Sur le chemin de la routine, un monde en paix, tu n'as pas sur l'autoroute du capitalisme. Du sommet de la pyramide, l'élite divertie et met en place sa tyrannie. On vit en pleine dystopie, ce monde est horrible. Vive nos vies pour des stories, moi je reste stoïque. Les politiques sont des choristes, leur morale sont le fausse. Un jour ou l'autre, ouais, on aura gain de cause complotiste. Si tu n'aimes pas leur son de cloche, la république sans le bolchevisme avec du sang de poche. Voici l'étendue et la noirceur de mes notes. Bienvenue où on s'enrichit sur le malheur des autres. Où on te formate pour que tu suives les ordres, où on divise les hommes, je suis de ceux que ce monde désole. Ouais, moi je suis de ceux que ce monde désole. Perdu dans ce désert, l'égalité est un mirage. L'humanité s'est noyée avant d'atteindre le rivage. À la recherche d'une bouffée d'air pur, on s'est perdu, et ça perdure, le vice remplace la vertu. Tant d'amertume, on souille la terre mère, cultive le bitume, un asile à ciel ouvert. On s'est perdu, et ça perdure. On s'est perdu, et ça perdure.